Section 1. Le loup blanc par Paul Féval. Lu par Christiane Johanne. Prologue. Chapitre 1. La chanson. Il n'y a pas encore bien longtemps, le voyageur qui allait de Paris à Brest, de la capitale du royaume à la première de nos cités maritimes, s'endormait et s'éveillait deux fois, bercé par les chaos de la diligence, avant d'apercevoir les maigres moissons, les pommiers trapus et les chênes ébranchés de la pauvre Bretagne. Il s'éveillait la première fois dans les fertiles plaines du Perche, tout près de la Beauce, ce paradis des négociants en farine. Il se rendormait, poursuivi par l'aigrelet parfum du cidre de l'Orne et par le patois nasillard des naturels de la basse Normandie. Le lendemain matin, le paysage avait changé. C'était Vitré, la gothique momie, qui penche ses maisons noires et les ruines chevelues de son château sur la pente raide de sa colline. C'était l'échiquier de prairies plantées çà et là de saules et d'oserais, où la vilaine plie et replie en mille détours son étroit ruban d'azur. Le ciel, bleu la veille, était devenu gris, l'horizon avait perdu son ampleur, l'air avait pris une saveur humide. Au loin, sur la droite, derrière une série de monticules arides et couverts de genêts, on apercevait une ligne noire. C'était la forêt de Rennes. La forêt de Rennes est bien déchue de sa gloire antique. Les exploitations industrielles ont fait depuis ce temps un terrible massacre de ces beaux arbres. Messieurs de Rohan, de Montbourcher, de Châteaubriand y couraient le cerf autrefois, en compagnie des seigneurs de Laval, invités tout exprès, et de monsieur l'intendant royal, dont on se serait passé volontiers. Maintenant, c'est à peine si les commis rougeaux des maîtres de forge y peuvent tuer à l'affût, de temps à autre, quelque chétif lapreau ou un chevreuil étique, que le spleen porte à braver cet indigne trépas. On n'entend plus sous le couvert les éclatantes fanfares. Le sabot des nobles chevaux ne frappe plus le gazon des allées. Tout se tait, hormis les marteaux et la toux cyclopéenne de la pompe à feu. Certains se frottent les mains à l'aspect de ce résultat. Ils disent que les châteaux ne servaient à rien et que les usines font des clous. Nous avons peut-être, à ce sujet, une opinion arrêtée, mais nous la réserverons pour une occasion meilleure. Quoi qu'il en soit, au lieu de quelques kilomètres carrés, grevés de coupes accablantes et dont les trois quarts sont à l'état de taillis, la forêt de Rennes avait, il y a 150 ans, 11 bonnes lieues de Tours et des tenues de futaies si haut lancées, si vastes et si bien fourrées de plants à la racine, que les gardes eux-mêmes y perdaient leur chemin. En fait d'usine, on n'y trouvait que des saboteries dans les fouteaux et aussi dans les châtaigneraies, quelques huttes où l'on faisait des cercles pour les tonneaux. Au centre des clairières, 10 à 12 loges groupées et comme entassées servaient de demeures aux charbonniers. Il y en avait un nombre fort considérable, et en somme, la population de la forêt passait pour n'être point au-dessous de 4 à 5 000 habitants. C'était une caste à part, un peuple à demi-sauvage, ennemi né de toute innovation et détestant par instinct et par intérêt tout régime autre que la coutume, laquelle lui accordait tacitement un droit d'usage illimité sur tous les produits de la forêt, sauf le gibier. De temps immémorial, sabotiers, tonneliers, charbonniers et vanniers avaient pu non seulement ignorer jusqu'au nom d'impôts, mais encore prendre le bois nécessaire à leur industrie sans indemnité aucune. Dans leur croyance, la forêt était leur légitime patrimoine. Ils y étaient nés. Ils avaient le droit imprescriptible d'y vivre et d'y mourir. Quiconque leur contestait ce droit devenait pour eux un oppresseur. Or, ils n'étaient point gens à se laisser opprimer sans résistance. Louis XIV était mort. Philippe d'Orléans, au mépris du testament du monarque défunt, tenait la régence. Bien que ce prince, pour qui l'histoire a eu de sévères condamnations, mit volontairement en oubli la grande politique de son maître, cette politique subsistait par sa force propre, partout où des mains malhabiles ou perfides ne prenaient point à tâche de la miner sourdement. En Bretagne, la longue et vaillante résistance des États avait pris fin. Un intendant de l'impôt avait été installé à Rennes, et le pacte d'union, violemment amendé, ne gardait plus ses fières stipulations en faveur des libertés de la province. Le parti breton était donc vaincu. La Bretagne se faisait France en définitive. Il n'y avait plus de frontières. Mais autre chose était de consentir une mesure en assemblée parlementaire, autre chose de faire passer cette mesure dans les mœurs d'un peuple dont l'entêtement est devenu proverbial. M. de Pontchartrain, le nouvel intendant royal de l'impôt, avait l'investiture légale de ses fonctions. Il lui restait à exécuter son mandat, ce qui n'était point chose facile. Partout on accusa les États de sa forfaiture, on résistait partout. Lors de la conspiration de Sélamat, ce fut en Bretagne que la duchesse du Maine réunit ses plus hardis soldats. Les chevaliers de la Mouche à Miel, qui se nommaient aussi les frères bretons, formaient une véritable armée dont les chefs, messieurs de Pontcallec, de Talouette, de Rohan-Polduc et autres, eurent la tête tranchée sous le Bouffet de Nantes en 1718. Ce fut un rude coup, la conspiration rentra sous terre. Mais la Ligue des frères bretons, antérieure à la conspiration, et qui en réalité n'avait plus d'objet politique, continua d'exister et d'agir quand la conspiration fut morte. C'est le propre des assemblées secrètes de vivre sous terre. Les frères bretons refusèrent d'abord l'impôt, les armes à la main, puis ils cédèrent à leur tour, mais tout en cédant, ils vécurent. 20 ans après l'époque où se passèrent les événements que nous allons raconter et qui forment le prologue de notre récit, nous retrouverons leurs traces. Le mystère est dans la nature de l'homme. Les sociétés secrètes meurent 100 foi. En 1719, presque tous les gentilshommes s'étaient retirés de l'association, mais elle subsistait parmi le bas peuple des villes et des campagnes. Ce qui restait de frères nobles était l'objet d'un véritable culte. Les châteaux où se retranchaient ces partisans inflexibles de l'indépendance devenaient des centres autour desquels se groupaient les mécontents. Ceux-ci étaient peut-être impuissants déjà pour agir sur une grande échelle, mais leur opposition, qu'on nous passe l'anachronisme, se faisait en toute sécurité. Il eût fallu, pour les réduire, mettre à feu et à sang le pays où ils avaient des attaches innombrables. D'après ce que nous avons dit de la forêt de Rennes, on doit penser qu'elle était un des plus actifs foyers de la résistance. Sa population, entièrement composée de gens pauvres, ignorants et endurcis aux plus rudes travaux, était dans des conditions singulièrement favorables à cette résistance, dont le fond est une négation pure et simple, soutenue par la force d'inertie. Assez nombreuses et assez unies pour combattre si nulle autre ressource ne pouvait être employée, les gens de la forêt attendaient, confiants dans les retraites inaccessibles qu'offrait à chaque pas le pays, confiants surtout dans la connaissance parfaite qu'ils avaient de leur forêt, cet immense et sombre labyrinthe dont les taillis reliaient la campagne de Rennes au faubourg de Fougères et de Vitré. Dans ces trois villes, ils avaient des adhérents. Le premier coup de mousquet tiré sous le couvert devait armer la plèbe déguenillée des basses rues de Rennes, les historiques bourgeois de Vitré qui portaient encore brassards, aubers et salades, comme des hommes d'armes du XVe siècle, et les habiles braconniers de Fougères. Avec tout cela, il était raisonnable d'espérer que les sergents de M. de Pontchartrain pourraient ne pas avoir beau jeu. Il y avait au monde un homme qu'ils respectaient tant que si cet homme leur eût dit « payez l'impôt au roi de France », ils auraient peut-être obéi. Mais cet homme n'avait garde. Il était justement cet homme, un des plus obstinés débris de l'association bretonne, et sa voix retentissait encore de temps à autre dans la salle des États pour protester contre l'envahissement de l'ancien domaine des riches ducs par les gens du roi de France. Il avait nom Nicolas Trémle de la Trémlay, seigneur de Bouexis en forêt, et possédait, à une demi-lieue du bourg de Liffré, un domaine qui le faisait suzerain de presque tout le pays. Son château de la Trémlay était l'un des plus beaux qui fut dans la Haute-Bretagne. Son manoir de Bouexis n'était guère moins magnifique. Il fallait 2 heures pour se rendre de l'un à l'autre, et tout le long du chemin, on marchait sur la terre de Trémle. Monsieur Nicolas, comme on l'appelait, était un vieillard de grande taille et d'austère physionomie. Ses longs cheveux blancs tombaient en mèches éparses sur le drap grossier de son pourpoint coupé à l'ancienne mode. L'âge n'avait point modéré la fougue de son sang. À le voir droit et ferme sur la selle, lorsqu'il chevauchait sous la futaie, les gens de la forêt se sentaient le cœur gaillard et disaient « Tant que vivra notre monsieur, il y aura un breton dans la Bretagne, et gare au sangsues de Paris !» Il disait vrai. Le patriotisme de Nicolas Trême était aussi indomptable qu'exclusif. La décadence graduelle du parti de l'indépendance, loin de lui être un enseignement, n'avait fait que grandir son obstination. D'année en année, ses collègues des États écoutaient avec moins de faveur ses rudes protestations. Mais il protestait toujours, et c'était la main sur la garde de son épée qu'il fulminait ses menaçantes diatribes contre le représentant de la couronne. Un jour, pendant qu'il parlait, messieurs de la noblesse se prirent à rire et plusieurs voix murmurèrent « Décidément, M. Nicolas a perdu la tête ». Il s'arrêta tout à coup. Une grande pâleur monta jusqu'à son front. Son œil lança un éclair. Il se couvrit et gagna lentement la porte. Sur le seuil, il croisa ses bras et envoya au banc de la noblesse un long regard de défi. « Je remercie Dieu, » dit-il d'une voix lente et durement accentuée qui pénétra jusqu'aux extrémités de la salle. « Je remercie Dieu de n'avoir perdu que la tête quand messieurs mes amis, eux, ont perdu le cœur. » À ce sanglant outrage, vous eussiez vu bondir sur leur siège tous ces fiers gentilshommes. 20 rapières furent à l'instant dégainées. Nicolas Trême ne bougea pas. « Laissez-là vos épées, » reprit-il. « Moi aussi je fus insulté. Pourtant je me retire. Ce n'est point du sang breton qu'il faut à ma colère. Adieu, messieurs. Je prie Dieu que vos enfants oublient leur père et se souviennent de leurs aïeux. Je me sépare de vous et je vous renie. Vous avez mis la Bretagne au tombeau. Moi, je mettrai du sang sur le tombeau de la Bretagne. Quand il n'est plus temps de combattre, il est temps encore de se venger et de mourir. » Monsieur de la Trémelay monta sur son bon cheval et prit la route de son domaine. Ceux qui le rencontrèrent en chemin ce jour-là ne purent deviner les pensées qui se pressaient dans son esprit. Robuste de cœur autant que de corps, il savait garder au-dedans de lui sa colère. Son front restait calme, son regard errait, vague et indifférent, sur le plat paysage des environs de Rennes. Lorsqu'il entra sous le couvert de la forêt, le soleil baissait à l'horizon. M. de la Trémelay contempla plus d'une fois, avec convoitise, les retranchements naturels et imprenables qu'offrait à chaque pas le sol vierge. Il comptait involontairement ces hommes vigoureux et vaillants qui le saluaient de loin avec une respectueuse affection. La guerre, pensait-il, pourrait être terrible avec ses soldats et ses retraites. Il arrêtait son cheval et devenait rêveur. Mais bientôt une idée tyrannique fronçait ses sourcils grisonnants. Il se redressait et son œil brillait d'un sauvage éclat. « Point de guerre, » disait-il alors. « Un duel, un seul coup, une seule mort. » Et M. de la Trémelay, enfonçant ses éperons dans les flancs de son cheval, combinait un de ces plans dont l'extravagante hardiesse amène le sourire sur les lèvres des hommes de bon sens et que le succès peut à peine sanctionner. Un plan audacieux, chevaleresque, mais impossible et fou, dont l'idée ne pouvait germer que dans un cerveau de gentilhomme campagnard, ignorant le monde et toisant la prose du présent à la poétique mesure du passé. Il ne faudrait point pourtant se méprendre et taxer Nicolas Trême de démence, parce que son entreprise dépassait les bornes du possible. Il le savait, et son enthousiasme ne lui cachait point la profondeur de l'abîme. Mais c'est un de ces hommes à cervelle de bronze qui voit le précipice ouvert et ne s'arrête point pour si peu en chemin. Une seule circonstance eût pu le faire hésiter. La maison de la Trémelay n'avait qu'un héritier direct, Georges Trême, petit-fils du vieux gentilhomme. Que deviendrait cet enfant de 5 ans, frappé dans la personne de son aïeul et dépourvu de protecteur naturel? Nicolas Trême supportait impatiemment cette objection que lui faisait sa conscience. « Si je réussis, pensait-il, Georges aura un héritage de gloire. Si j'échoue, monsieur mon cousin de Vaunois lui gardera son patrimoine. Vaunois est un bon chrétien et un loyal gentilhomme. » Comme il prononçait mentalement ces paroles, une voix grêle et lointaine lui apporta le refrain d'une chanson du pays, sorte de complainte dont l'air mélancolique accompagnait le récit du trépas d'Arthur de Bretagne, méchamment mis à mort par son oncle, Jean Santerre. Monsieur de la Trémelay se sentit venir au cœur un pressentiment funeste en écoutant cela. « Impossible, » murmura-t-il pourtant, « Monsieur de Vaunois est un digne parent. » La voix se rapprochait, Le chant semblait prendre une nuance d'ironie. D'ailleurs, poursuivit le vieux gentilhomme, mon petit Georges est breton. Son bonheur comme son sang appartient à la Bretagne. La voix se tut durant quelques secondes, puis elle éclata tout à coup juste au-dessus de M. de la Tremblay. Celui-ci leva brusquement la tête et aperçut, au haut d'un gigantesque châtaignier dont la couronne, dominant les arbres d'alentour, était vivement frappée par les rayons du soleil couchant, un être d'apparence extraordinaire et presque diabolique. Son corps, ainsi éclairé, rayonnait une sorte de lueur blafarde. Si un voyageur l'eût rencontré dans les forêts du Nouveau Monde, il ne lui aurait certainement pas accordé le nom d'homme. Et l'histoire naturelle de M. de Buffon contiendrait un article de plus, le babouin blanc. Cette créature ressemblait en effet à un énorme singe de couleur blanchâtre. Elle sautait d'une branche à l'autre avec une agilité merveilleuse, et à chaque saut, un faisceau de menus roseaux tombait à terre. Son chant continuait. Il est à croire que ce n'était pas la première fois que M. de la Tremblay rencontrait ce personnage étrange, car il arrêta son cheval sans manifester la moindre surprise et siffla comme on fait pour appeler un chien. Le chant cessa aussitôt et la créature, perchée au sommet du châtaignier, dégringolant de branche en branche, tomba aux pieds du vieux seigneur en poussant un grognement amical et respectueux. C'était bien un homme, et pourtant il était plus extraordinaire encore de près que de loin. Ses jambes nues, couvertes de poils incolores, supportaient gauchement un torse difforme et de beaucoup trop court. Son cou, osseux et planté en biseau sur sa creuse poitrine, était surmonté d'une face anguleuse, aux os de laquelle se collait une peau blême et semée de duvet. Ses cheveux, ses sourcils, sa barbe naissante, tout était blanc. Et c'était merveille de voir reluire son œil sanglant au milieu de ce laiteux entourage. Aucun signe certain dans toute sa personne ne pouvait servir à préciser son âge. Peut-être était-ce un enfant, peut-être était-ce un vieillard. L'extrême agilité qu'il venait de déployer éloignait également néanmoins ces deux suppositions. Il fallait la pleine jeunesse pour concentrer tant de vigoureuse souplesse sous cette enveloppe chétive et misérable. Il se releva d'un bond et vint se planter au milieu du chemin, devant la tête du cheval. « Comment va ton père, Jean Blanc ?» demanda M. de la Tremblay. « Comment va ton fils, Nicolas Tremble ?» répondit l'albinos en exécutant une cabriole. Un nuage couvrit le front du vieillard. Cette brusque question correspondait mystérieusement au sujet de sa rêverie. « Tu deviens insolent, mon garçon » grommela-t-il. « Je suis trop bon envers vous autres, vilains, et cela vous donne de l'audace. Fais-moi place, et que je ne t'y prenne plus. » Au lieu d'obéir à cet ordre, prononcé d'un ton sévère, Jean Blanc saisit la bride du cheval et se mit à sourire tranquillement. « Tu te trompes, monsieur Nicolas, » dit-il d'une voix douce et triste. « Ce n'est pas avec nous, pauvres gens, que tu es trop bon. C'est avec d'autres que tu aimes et qui te détestent. « Paix, fou que tu es !» voulut interrompre M. de la Tremblay. L'albinos ne lâcha point la bride et continua. « Le père de Jean Blanc va bien. Jean Blanc veillait hier auprès de lui. Auprès de lui, il veillera demain. Hier, tu veillais sur Georges Tremble. Veilleras-tu sur lui demain, monsieur Nicolas ?»« Que veux-tu dire ?» C'est une belle chanson que la chanson d'Arthur de Bretagne. Écoute, je sais ramper sous le couvert tout aussi bien que grimper au faîte des châtaigniers. Je t'ai suivi longtemps dans la forêt, tu causais avec ta conscience. J'ai compris et j'ai chanté la chanson d'Arthur. Quoi ? S'écria M. de la Tremblay. Tu m'as entendu ? Tu sais tout ? Non, pas tout. Tu as dit trop de folie pour que j'aie pu comprendre. Mais crois-moi, ne laisse pas notre petit M. Georges à la merci d'un cousin. « Si tu veux t'en aller bien loin, prends ton petit-fils en croupe. Si tu ne le peux pas, tue-le, mais ne l'abandonne pas. Et maintenant, je vais couper des branches pour faire des cercles de barriques, monsieur Nicolas. Que Dieu te bénisse !» L'albinos lâcha la bride et grimpa comme un chat le long du tronc noueux d'un châtaignier. La nuit commençait à tomber. Le costume de cet être bizarre, formé de peau d'agneau et blanc comme sa personne, se distinguait à travers les branches qu'il franchissait avec une indescriptible prestesse. Monsieur de la Tremblay se remit en route tout pensif. « C'est un pauvre insensé !» se disait-il, mais son cœur se serrait de plus en plus. et lorsque la voix de Jean Blanc, se faisant de nouveau entendre, lui jeta par-dessus les têtes touffues de Grand Chêne les notes lugubres de la complainte d'Arthur de Bretagne, le vieux gentilhomme eut froid à l'âme et prononça en frémissant le nom de son petit-fils. Fin de la section 1.